le go. Mais qui êtes-vous pour juger le prix de ce que je porte au cou? Faut porter l'œil, moi je porte les couilles. Lunettes noires, j'fais la gueule à la Anna Wintour. On était trop heureux dans le bendo. Pas de foot, but, pas de couteau. Pas de fumée entre poteaux. J'ai taqué ta la clé ma moto. Loyauté était le mot. Tu sais ce qui rend l'homme fou? C'est pas l'argent qui rend jaloux, mais notoriété poteau. Tout le monde veut être reconnu. On me serait prêt à tuer pour quelques nuits dans ma peau. Mais il serait surpris du poids que porte mes épaules. J'mets un pied dehors, la bague me charge des faux. Je n'aime pas les ports, à part dans un bon ragoût. On me serait prêt à tuer pour quelques nuits dans ma peau. Mais il serait surpris du poids que porte mes épaules. J'mets un pied dehors, la bague me charge des faux. Je n'aime pas les ports, à part dans un bon ragoût. Yeah. J'ai des frères louches, mauvais garçons. Mon gars le plus cool est un jeune musulman. Et ouais comme quoi, la France ment. Un fils de pute a parfois bien prêté serment. Je ne marche pas dans les chemins construits pour le détail. Ma révolution ne fait pas le détail. Il faut être tout lisse, l'homme veut que je m'en aille. Salam. Salam, je me sens encore bien chez moi. En bas du bloc, les gens m'aiment. Les mamans me font des bisous. Et ouais, demande à Marcel. Tu peux mieux manger chez nous. On dit toujours, mais qu'est-ce qu'on s'aime? Il va qu'à bon pour toujours. On me serait prêt à tuer pour quelques nuits dans ma peau. Mais il serait surpris du poids que portent mes épaules. J'mets un pied dehors, la vague me charge des faux. Je n'aime pas les ports, à part dans un bon ragoût. On me serait prêt à tuer pour quelques nuits dans ma peau. Mais il serait surpris du poids que portent mes épaules. J'mets un pied dehors, la vague me charge des faux. Je n'aime pas les ports, à part dans un bon ragoût. I love her.